et des géants de pierres écrasées en poussière. J'ai vu l'immense croix de fer s'enflammant dans le gris de l'air, se déchirer sous une avalanche d'éclairs.